vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme. Et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donné. En ce cas, vous seriez coupables. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Nous allons partager trois vérités ci-après tirées de ce passage. Première vérité, faisons attention à nos paroles et surtout à nos serments. Elles peuvent avoir des conséquences graves qui sont parfois irréparables. Vous voyez ici, il venait d'avoir une guerre civile entre le reste des tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. Et cette guerre civile s'est soldée presque à la calcination de la tribu de Benjamin. Elle était presque détruite, et il n'y avait presque plus de personnes. Et ils ont juré de ne pas donner de femmes à la tribu de Benjamin. Il est dit ici au verset 1, les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant, aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. Et ces serments, ils l'ont fait dans la présence de Dieu, vous voyez. Et maintenant, ils se sont rendus compte que il n'y avait plus la tribu d'Israël. Ils se sont rendus compte que la tribu de Benjamin était en voie d'extinction. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour que la tribu subsiste, il fallait que les gens se marient. Or, ils ont juré devant l'Éternel. Maintenant, c'était difficile encore de réparer cela. Donc, faisons attention aux paroles que nous prononçons. Elles peuvent nous rattraper. Ne sois pas très pressé de prendre des décisions pour dire « Jamais tu ne me verras ceci. Jamais je jure, je ne ferai pas ceci. Jamais je jure, je ne ferai pas cela. » Fais attention à tes paroles. La Bible nous dit « Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Le verset 18 dit « Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. » Ils ont dit même maudit soit. Et ils étaient eux-mêmes bloqués par leurs paroles. Ils étaient rattrapés par leurs paroles. Faisons donc attention à nos paroles et à nos serments. Deuxième vérité, soyons des hommes de paix et de réconciliation. Nous voyons un aspect positif ici. Les enfants d'Israël se sont rendus compte que ce qu'ils ont fait était une bêtise. Et ils éprouvèrent du repentir vis-à-vis de la tribu de Benjamin. Cela veut dire qu'ils étaient animés par un esprit de paix, de réconciliation. Ils se sont dit, ce n'est pas possible ce qui s'est passé. Benjamin, c'est notre frère. Qu'est-ce que nous avons fait? Bien-aimés, aujourd'hui dans nos pays africains, il y a parfois des guerres civiles où on se livre, on détruit nos frères. Dans la même tribu, dans la même famille, il y a des gens qui se battent. Je vais parler à quelqu'un. Regardez bien. Quand il y a des rivalités dans votre famille, le diable en profite. Vous risquez de vous consumer. Il peut avoir, quand l'esprit de vengeance est là, il peut avoir des morts au point où dans la famille, tout le monde peut finir. Quand cet esprit commence, il peut avoir des morts. Et la Bible nous dit que une maison divisée ne peut subsister. Vous voyez, les enfants d'Israël étaient divisés au point où une partie s'est battue contre la tribu de Benjamin. Et ça, c'est difficile. Lorsqu'on est divisé dans une maison, dans une famille, dans une église, elle est en voie d'extinction. Mais à un moment donné, il faut dire, mettons bas la terre. Et c'était ça l'aspect positif. Vous voyez, lorsque nous lisons le verset 2 dit, le peuple vint à Bethel. Et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix. Ils versèrent d'abondantes larmes. Ils dirent, ô éternel Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu en Israël? Et il est dit au verset 6, les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère. Et il disait, au sujet, une tribu a été retranchée en Israël. Quand on veut aller à la réconciliation, il y a des attitudes qu'on doit avoir. La première attitude, c'est de se repentir devant Dieu. C'est-à-dire, par une prise de conscience, on se dit, ce qu'on a fait n'est pas bon. devant Dieu, on demande pardon. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit poser des actes et surtout des paroles de paix et de réconciliation. Quand tu veux te réconcilier avec quelqu'un, mon ami, tu ne peux pas aller encore avec l'arrogance, avec des paroles d'orgueil. Non. Regardez ici, il est dit au verset 13. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux filles de Benjamin qui étaient au rocher de Rimmon et pour leur annoncer la paix. Ce n'était plus le temps de guerre. Ce n'était plus le temps d'hostilité. Quand on veut se réconcilier, on annonce la paix. Je vais parler à un monsieur. Tu as des problèmes avec ta femme qui a quitté la maison. Écoute-moi bien. Si tu veux gagner le cœur de ta femme, il faut des attitudes d'humilité et des paroles qui peuvent l'aider, qui peuvent gagner son cœur, annoncer la paix. Il ne faut plus ressusciter des anciens dossiers, ça ne sert à rien. Troisième vérité, faisons attention aux décisions que nous prenons, parfois pour chercher à réparer un tort. Vous voyez ici, les enfants d'Israël avaient juré de ne pas donner de femmes à la tribu de Benjamin, à un Benjamite. Maintenant, dans la manière, dans la démarche à suivre pour chercher à relever la tribu de Benjamin, ils vont maintenant chercher des femmes par des moyens un peu anormaux. Ils vont chercher maintenant, ils vont envoyer les gens en guerre pour enlever des vierges par-ci, par-là. Vous voyez, faisons donc attention. Et c'est pourquoi le verset 25 disait, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ils vont chercher à enlever des vierges. Il est dit, par exemple, au verset 20-21, « Puis ils donnèrent cet ordre aux filles de Benjamin, « Allez, placez-vous en embuscade dans les vignes, vous regarderez, et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enleverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. » Bien-aimés, faisons attention. Ne prenons pas des décisions selon la chair, mais prenons les décisions selon l'esprit. Et c'est pourquoi nous devons nous laisser guider par l'esprit de Dieu, par l'Éternel, pour que nous ne puissions pas faire ce que bon nous semble. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces vérités qu'il nous révèle. Bénissons le Seigneur en chantant ces cantiques. Il n'a pas dit que tu sombres. papa dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, il n'a pas dit gloire au Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Commence à lui dire merci. Il t'a gardé toute cette nuit. Il est le Dieu qui te protège. Il est bon. Proclame sa bonté envers toi. Sois béni, éternel notre Dieu, toi qui convaincs du péché. Nous te bénissons, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui envoies l'esprit de pardon. Nous t'élevons en ce moment, éternel notre Dieu, toi le Dieu de paix, le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant. Nous t'élevons et nous te glorifions, toi le Dieu qui nous a aimés, quand nous étions encore des pécheurs, tu as accepté de livrer ton Fils Jésus sur la croix pour que nous soyons sauvés. Nous bénissons ton nom pour cela, ô notre Père, notre Seigneur, toi qui as fait de nous tes enfants. Ô sois béni, notre Seigneur, toi qui as renversé les murs de séparation par Jésus et qui as fait de nous tes héritiers, tes enfants, nous te glorifions. Encore une fois de plus, nous t'élevons, nous te magnifions. Toi, le Père de gloire, le Dieu plein d'amour, oh, que l'honneur te revienne en ce moment, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Juges 21, 1 à 25, c'est notre passage du jour. Nous venons de voir que nous devons faire attention à nos paroles, à nos serments, parce qu'ils peuvent avoir des conséquences négatives. Prions le Seigneur, demandons-lui pardon pour toutes les mauvaises paroles que nous avons fait sortir. Les parents qui ont maudit leurs enfants, les enfants qui ont maudit leurs parents, qui ont pris des décisions qui ne glorifient pas le Seigneur. Prenons, faisons attention, prions Dieu pour qu'il nous aide à ne pas faire sortir des mauvaises paroles qui peuvent avoir des conséquences négatives. Prions le Seigneur. Très excellent père. Nous te remercions pour ton amour à notre égard. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. C'est grâce à toi, ô Père éternel. Merci pour ce privilège que tu nous accordes chaque jour. C'est pourquoi c'est avec joie qu'au réveil nous invoquons ton Saint-Nom et nous proclamons tes grandes réalisations dans nos vies. Merci Père éternel. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous te demandons pardon pour toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées, pour tous les mauvais propos que nous avons tenus, qui ont blessé des personnes, qui ont créé des confusions. Nous demandons pardon, Père éternel. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous demandons, Père éternel, que tu nous aides à veiller sur nos paroles, que tu nous aides à utiliser, à mettre en pratique cette parole de ta part, que nous devons être prompts à écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère. Père, nous te disons merci parce que nous avons l'assurance que tu veilles sur nous. Tu veilles sur nous, ô Père éternel. Merci pour cette faculté, cette habilité que tu nous donnes pour pouvoir veiller sur nos propos. Merci pour la patience que tu nous donnes. Merci pour la tempérance que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus, donne-nous la force, ô Père éternel, afin que nous soyons toujours attachés à ta parole, afin que nous puissions toujours communier avec toi et bénéficier de toutes tes grâces. La grâce pour parler avec modération et veiller sur ce que nous disons. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons être des hommes de paix et de réconciliation. Lorsqu'il y a des problèmes dans une famille, il y a des problèmes dans une église, des problèmes dans une tribu, des problèmes dans une nation, il faut qu'à un moment donné, nous puissions éprouver du repentir pour chercher à aller à la réconciliation. Prions pour nos pays où il y a trop de problèmes de palabres. Prions pour nos familles, prions pour nos églises, afin que le Seigneur suscite en nous cet esprit de repentir, cet esprit de réconciliation, cet esprit de paix. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Yahweh Shalom, nous voulons te dire merci ce matin. Dieu de paix, Dieu de tranquillité, de repos, d'assurance, de confiance totale. Dieu qui arrête les conflits et qui réconcilie les hommes avec lui-même, les hommes avec leurs ennemis. Nous croyons au pouvoir de ta parole, au pouvoir de ton esprit. C'est pourquoi tu nous dis dans Romains, chapitre 12, à partir du verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Sinon, humainement, c'est impossible d'aimer son ennemi, de faire du bien à son ennemi. Mais avec toi, avec ta grâce, avec ta faveur, avec l'action de ton esprit, nous pouvons y arriver. Et nous comptons sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons faire attention. Ne prenons pas des décisions selon la chair, comme l'ont fait les enfants d'Israël cherchant à enlever des vierges pour les redonner aux Benjamites. Tu vas prier Dieu pour qu'il te conduise par le Saint-Esprit. dans toutes les décisions que tu prends, au lieu d'être conduit par la chair, bannissons tout esprit charnel et cherchons à être guidés par l'Esprit de Dieu pour sa gloire. Prions le Seigneur. Père, nous voulons élever ton nom ce matin, nous voulons proclamer ta grandeur, ta seigneurie, ton autorité, ton pouvoir sur nous. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5 et dans Jean 6, 63, la Bible dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pour cela, Père, nous savons qu'avec toi, nous pouvons faire que des choix honorables, des choix efficaces à la gloire de ton nom, des choix bons. Des choix qui, demain, procurera la vie, la paix, la joie. Oh Dieu, combien de fois nous avons fait des choix dans le mariage et qui, aujourd'hui, nous avons des regrets. Nous avons la division, le divorce, des tracasseries, des choses bizarres. Éternel, nous avons besoin de toi. Sanctifie-nous pour tous ces mauvais choix dans le travail que nous avons fait et nous regrettons. Sanctifie-nous, aide-nous. Purifie-nous, relève-nous, mets-nous sur le chemin de ta vérité, mets-nous sur le chemin de notre destinée, mets-nous sur le chemin de notre grâce, de notre faveur, de notre élévation. Car si tu ne nous tiens pas la main, cet esprit, nous savons que nous allons faire des exploits, nous savons que nous allons réussir, nous savons que nous serons bénis. La joie, la bénédiction de l'Éternel sera notre partage. Ce matin donc, je prie que tu orientes quelqu'un qui a besoin d'une orientation. Tu bénisses, tu visites quelqu'un, tu restaures, tu requinques les dons spirituels dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que ce dimanche, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires à partir de 16h. Nous allons poursuivre ce thème, la guérison des blessures intérieures. Premier service, 16h, deuxième à 18h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.